Chapitre 3. Brûlots anglais à Rochefort. Expédition d'Alger. Les deux enfants avaient écouté avec trop d'intérêt le récit de l'ancien officier pour ne point désirer vivement entendre la suite de son histoire. Deux jours après, ils obtinrent de Madame de Kerdoret la permission d'aller de nouveau le trouver. Monsieur Le Troadec les accueillit avec un sourire de bonté et, devinant leurs pensées, il se prépara à remplir son rôle de narrateur. Le temps continuait d'être fort beau. Il s'assit entre eux sur le banc que nous connaissons, à la porte de sa demeure, et alluma, selon son habitude, sa pipe qui ne le quittait jamais. La manière dont il s'y prit étonna quelque peu les enfants. Au lieu de se servir d'une allumette, il tira de sa poche un petit baril et un briquet. Il ouvrit le baril et, tenant au-dessus avec le pouce un morceau de silex, il bâtit du briquet la pierre à fusil. Des étincelles en jaillirent et tombèrent dans le baril, au fond duquel elles mirent le feu à de petits morceaux de bois mort. Le vieux marin, coiffant ensuite sa pipe de cette sorte de chapeau, la fumée s'en échappa immédiatement. Puis, il referma soigneusement le petit baril et, en aspirant de fortes bouffées, il reprit le récit de l'avant-veille. « J'avais reçu, vous ai-je dit, à Trafalgar, une blessure qui nécessita mon entrée à l'hôpital de Cadix. J'y restai plusieurs mois. À ma sortie, j'obtins un congé de convalescence et je revins à Brest sur une frégate envoyée en mission dans ce port. Je n'avais plus de parents à Locrist. J'allais demander l'hospitalité à un oncle qui habitait Plougastel, presque sur les bords de la Rade. Le brave homme n'était pas riche. Il vivait avec beaucoup d'économie des produits d'une petite terre qu'il avait à fermer. Il ne m'en reçut pas moins, ainsi que sa femme, avec cordialité, et tous deux insistèrent pour que je passasse chez eux le temps de mon congé. Je n'eus garde de refuser cette offre faite de si bon cœur, et je m'installai sans façon chez mes parents. Pour me distraire, et aussi pour me rendre utile, je me procurai des filets, et presque tous les soirs, j'apportais à la maison quelques beaux poissons pour le lendemain. 2 années s'écoulèrent ainsi. J'aimais cette existence paisible. J'aurais voulu, je crois, qu'elle se prolongeât éternellement. Il est si doux de se sentir aimé sincèrement, d'oublier au foyer de la famille les agitations de la vie militaire, les dangers de la navigation et des combats. Mais il y a une fin à tout en ce monde. Le jour arriva où il fallut quitter mes filets et dire adieu à mes vieux amis. Au mois de juillet 1807, je fus rappelé à Brest. L'empereur avait des vues sur la Méditerranée, dont la possession devait le dédommager de la perte de l'océan. On pressait dans tous les ports la construction de nombreux navires destinés à seconder les projets de Napoléon contre la Sardaigne, la Sicile et les îles Ioniennes. Mais les affaires avaient changé de face. Les Espagnols, devenus nos ennemis, attaquèrent, sur ces entrefaites, notre flotte laissée dans le port de Cadix et forcèrent l'amiral Rosilly, qui ne put soutenir à temps le général Dupont, à amener son pavillon. Nos marins furent constitués prisonniers de ceux qui les avaient si mal secondés à Trafalgar. Les Espagnols leur faisaient payer l'envahissement de leur pays. Cette nouvelle, vous le comprenez, produisit à Brest, comme partout, une impression profonde. Nous aurions voulu pouvoir venger nos camarades sur les Anglais à qui nous devions le nouveau malheur de Cadix. Arriva le printemps de l'année 1809. L'empereur n'ignorait pas que l'Angleterre songeait à attaquer plusieurs points de notre littoral, et surtout Rochefort et Anvers. Rien ne fut négligé pour mettre les côtes à l'abri de ces attaques. Je fus embarqué, en qualité d'enseigne, sur une frégate qui alla rejoindre l'escadre réunie à l'île d'Aix sous les ordres de l'amiral allemand. Les Anglais, décidés à détruire nos vaisseaux sur Rade, n'avaient pas hésité à sacrifier 30 navires qu'ils avaient transformés en brûlots, et ils se préparaient à mettre à exécution ce projet sans exemple dans les annales de la marine. Notre amiral prit toutes les dispositions pour éviter cette catastrophe. Dans la nuit du 11 au 12 avril, nous les vîmes s'avancer en plusieurs divisions avec l'intention manifeste d'envelopper notre escadre. Ils lancèrent bientôt à la fois 30 brûlots. Ce fut un spectacle épouvantable. Chaque capitaine, pour sauver son navire, dut rompre ses cadres et aller s'échouer à la côte. De cette manière, les 30 brûlots sautèrent inutilement. Malheureusement, 4 de ceux qui avaient échoué sur les rochers, à l'entrée de la Charente, et dont les officiers avaient par précaution jeté les poudres à la mer, de peur d'explosion, furent attaqués par les Anglais qui y mirent le feu. Les autres remontèrent la rivière et furent désarmés. Les Anglais, furieux de n'avoir pas réussi, préparèrent une autre expédition contre Anvers. Je ne fis point partie des hommes qui furent envoyés pour les combattre. Ma santé n'était pas bonne, et je restai attaché au port de Rochefort jusqu'en 1830. C'est à cette époque, vous le savez, que commença la guerre d'Afrique. Notre marine avait pris depuis 15 à 18 ans un développement considérable. Elle avait figuré avec le plus grand honneur au combat de Navarin. On avait le droit de compter sur elle dans cette circonstance. Mais son rôle ne pouvait être, et ne fut que secondaire. 2 ou 3 combats, livrés par notre armée contre les Arabes et les Turcs, suffirent pour mettre en notre puissance la ville qui était devenue depuis si longtemps un repère de Forban. « Monsieur le Troidec, interrompit Horace, vous seriez bien aimable de nous faire connaître la cause de cette guerre. J'ai entendu vaguement parler d'un coup d'éventail donné par le dey d'Alger à notre consul, mais je ne sais rien autre chose à ce sujet. Mon ami, répartit l'ancien officier, je me ferai un plaisir de satisfaire votre désir. Autant, ajouta-t-il, je déteste les bavards qui me fatiguent de leurs questions sans me laisser le temps de me répondre, autant j'aime à donner des explications utiles sur les événements que je connais, quand je trouve des auditeurs attentifs et intelligents comme vous l'êtes tous les deux. Voici donc quelle fut l'occasion qui amena la prise d'Alger. Depuis bien des années, cette ville était le refuge de nombreux corsaires qui capturaient les navires de commerce et vendaient comme esclaves les hommes des équipages. La France, l'Amérique, l'Angleterre avait dû successivement faire la guerre aux dey qui autorisaient la piraterie et lui imposer des traités qu'il n'observait jamais scrupuleusement. À l'arrivée de Hussein au pouvoir, l'audace des Forbans, surtout à l'égard des navires français, devint excessif. Un de nos briques fut pillé par les habitants de Beaune. Notre établissement de la cale fut dévasté. Le dé porta à 200 000 francs la redevance de 60 000 que nous payions pour la pêche du corail. Il laissa violer le domicile de notre agent à Beaune et refusa d'accorder la moindre réparation pour les navires capturés. Une circonstance ne tarda pas à venir précipiter sa chute et à nous donner nos belles colonies d'Afrique. Il était dû par la France à la maison Barry d'Alger une somme de 700 000 francs pour des fournitures de grains faites pendant la République. Mais comme cette maison avait des créanciers en France, le gouvernement attendait pour payer que les tribunaux eussent jugé l'affaire. Hussein, créancier lui-même de la maison Barry, voulait que cet argent fût remis entre ses mains et écrivit directement à ce sujet au roi Charles X. Le roi ne crut pas devoir lui répondre. Le 30 avril 1829, veille de la fête du Béram, M. Deval, notre consul, alla complimenter le dey selon son usage. Hussein lui demanda s'il avait reçu une lettre du roi pour lui, et sur sa réponse négative, il le frappa publiquement au visage de son éventail de plumes de paon. Le consul lui fit observer que c'était à la France que s'adressait cette insulte. Mais le dey, au lieu de se calmer et de réfléchir aux conséquences qu'aurait sa conduite, ordonna insolemment à M. Deval de quitter la salle d'audience. « Je n'ai pas besoin de vous dire, mes enfants, l'impression que produisit en France la nouvelle d'un pareil outrage. » Le gouvernement rappela son représentant. M. Deval et tous nos compatriotes résidant à Alger s'embarquèrent le 15 sur la goélette La Torche. L'établissement de la cale fut évacué. Une escadre de 15 bâtiments commença le blocus de la ville et des côtes. Le vaisseau La Provence fut chargé d'aller porter au Dey des conditions de paix. Mais Hussein les rejeta, et bien plus, sans aucun respect pour le drapeau parlementaire. Il donna l'ordre au commandant des batteries du port de canonner le vaisseau au moment où il se retirait. Le cœur de nos marins fut profondément blessé de cet acte de lâche agression. Il fallait une vengeance éclatante. Une armée de 35 000 hommes fut organisée sans retard et placée sous les ordres du comte de Bourmont, ministre de la guerre. Le vice-amiral Dupéré reçut le commandement de la flotte. Le 30 avril 1830, un an jour pour jour, après l'insulte faite à notre consul, les troupes étaient réunies à Toulon et dans les campements voisins et on les exerçait aux manœuvres nécessaires pour une guerre dans un pays où l'on ne combattait pas à l'européenne. Le 11 mai, la flotte était mouillée sous le port, prête à appareiller. Les populations du Midi témoignaient le plus grand enthousiasme. On allait voir refleurir dans la Méditerranée le commerce auquel la piraterie organisée par le Dey était si funeste depuis longtemps. L'amiral Dupéré s'attendait à rencontrer de grands obstacles pour le débarquement. Il prit ses mesures en conséquence. Les navires de guerre formeraient les trois escadres de bataille, de débarquement et de réserve. On désigna sous le nom de convoi les bâtiments de commerce affectés aux vivres. La flottille devait effectuer le transport des soldats. Le 17, toutes les troupes étaient embarquées. Mais des vents contraires s'opposèrent pendant 8 jours au départ. Enfin, la flotte mit à la voile le 25, dans l'après-midi. Le 30 au soir, on n'était plus qu'à quelques lieues d'Alger, quand le temps contraignit l'amiral d'aller relâcher à Palma. Nous y restâmes jusqu'au 10 juin, faute de vent. Je dis « nous », car j'avais saisi avec bonheur l'occasion de rentrer dans le service actif et j'étais sur une des frégates de la flotte. Le 14 à 3 heures du matin, nous étions en vue de la pointe de Sidi Ferrouche. Le débarquement s'opéra avec une promptitude admirable et le drapeau français fut planté, après une lutte de quelques heures, sur ces rivages où devaient flotter désormais nos couleurs. Le 18, le général en chef apprit que les Turcs devaient nous attaquer le lendemain. Cette nouvelle était fondée. Le 19, au soleil levant, l'ennemi se précipita sur nos avant-postes et soutint un combat des plus meurtriers. Mais bientôt nos troupes s'élancèrent hors de leur retranchement et les mirent en déroute en un clin d'œil. Une série d'engagements dans lesquels ils furent constamment victorieux conduisirent, les jours suivants, nos valeureux soldats jusque sur les hauteurs de Boujaréa, qui domine Alger et la mer. À la vue de la ville, l'armée entière poussa un cri d'espérance et d'admiration. Le général sut tirer parti de l'élan des hommes et donna l'ordre d'assiéger immédiatement le fort L'Empereur en avant de la place. Les opérations furent poussées avec vigueur et intelligence. Le 4 juillet, une explosion formidable se fit entendre. Les défenseurs du fort venaient de faire sauter la grosse tour et étaient rentrés dans Alger. Hussein ne pouvait contenir sa colère. Il ne parlait de rien moins que de s'ensevelir sous les ruines de la ville. La milice s'opposa à son dessein et le décida à demander une capitulation. Quelque dure que lui parussent les conditions dictées par le vainqueur, le Dey s'y soumit et l'armée fit son entrée à Alger le jour même à midi. Le 10 juillet, Hussein Pacha quitta l'Afrique avec le personnel de sa maison, sur la frégate la Jeanne d'Arc, et se dirigea vers Naples. Il se rendit plus tard à Livourne, puis à Paris, et finit par aller se fixer à Alexandrie, où il mourut en 1838. Peu de jours après la prise d'Alger, Charles X partait lui-même pour l'exil, et le général Clausel venait remplacer le général Bourmont. Une partie des navires de la flotte regagnèrent les ports de France. Je revins à Brest et j'obtins un congé de quelques mois. J'en profitai pour mettre à exécution un projet que je nourrissais depuis plusieurs années. Un de mes amis, qui avait renoncé à la marine et était devenu un riche propriétaire, habitait alors Laval. Au retour de chacune de mes campagnes, il m'invitait à aller me reposer dans sa famille, promettant de me distraire et de me promener dans les environs. Je voulus cette fois répondre à son invitation. Après avoir accordé quelques jours à mes bons et vieux parents de Plougastel, je fis mes préparatifs de voyage. Mon intention n'était pas de me rendre directement à Laval. Je tenais à m'arrêter dans quelques villes de la côte où je ne manquerais pas de rencontrer les marins que j'avais connus au service. Je pris, comme l'on dit, le chemin des écoliers. Je visitais successivement Saint-Paul-de-Léon avec le Cresquer, ce clocher merveilleux qui, de sa flèche de 370 pieds, domine la cathédrale elle-même. Morlaix, au fond d'une jolie vallée, avec ses paisibles caboteurs endormis sur son canal. Tréguier, Lannion, Saint-Brieuc, charmant petit port où grandit toute une génération d'intrépides matelots. Saint-Malo, qui vit naître les marins Jacques Cartier et du Guétroin, Duclos, Brousset, Lamennais et l'illustre auteur du génie du christianisme. Je traversais Avranches, Caen, Le Havre, Rouen, et j'arrivais à Paris, où je séjournais plusieurs semaines. Puis je me dirigeais vers Laval. Monsieur Rosquette, c'est le nom de mon ami, me reçut avec joie et me traita comme un frère. Sa femme, ses deux fils, eurent pour moi tous les égards possibles. On me laissa libre de disposer de mon temps comme je l'entendrais. Je me trouvais très heureux. Nous étions au mois d'octobre, c'est-à-dire à l'époque de la chasse. Le matin, quand Monsieur Rosquette n'était pas retenu à la maison par ses affaires, nous partions le fusil sur l'épaule, suivis d'excellents chiens, et nous allions faire une battue à plusieurs lieues de Laval. Il était rare que nous revinssions le carnier vide et que nous ne fussions pas félicités à notre retour par Madame Rosquette. C'était pour elle une occasion d'inviter à dîner quelques personnes et de me procurer ainsi de nouvelles distractions. On ne manquait pas de m'interroger à table sur la marine. Je répondais de mon mieux et nous passions une soirée des plus agréables. Un jour, mon ami me proposa de visiter un couvent de trappistes situé à peu de distance de Laval, sur la route de Château-Gontier. J'acceptai cette offre et nous convînmes d'un jour pour cette excursion. Monsieur Le Troidec se leva en ce moment et, tirant sa montre, « Mes enfants, dit-il, il faut que je vous laisse, une affaire m'oblige à rentrer au logis. »« C'est bien fâcheux, reprit Horace, l'histoire de votre voyage à la trappe doit être si intéressante, comme nous aurions eu du plaisir à l'écouter. »« Ce qui est différé n'est pas perdu, répartit le marin, j'irai après-demain au Conquet et je ferai une visite à madame votre tante. » Si vous êtes chez vous quand je me présenterai, je vous promets de vous parler des trappistes. Merci, monsieur, répondirent les enfants, pour nous et aussi pour madame de Kerdoret, car elle sera aussi heureuse que nous de vous entendre. Ils tendirent la main à leur vieille amie et partirent.